Chapitre 4. À dater de ce jour, l'intimité s'établit entre Run et Annonciade. Elle ne se manifestait guère au dehors, se renfermant dans un sourire, dans un regard, dans un long serrement de main, quand Annonciade s'éloignait. Run, presque toujours, allait la reconduire jusqu'au pain. Même alors, elle se parlait peu. La solitude morale où elle vivait depuis son enfance rendait Mademoiselle de Pandelon silencieuse et Annonciade trouvait plus douce, plus réconfortante que des paroles, la chaleur affectueuse de son regard. Madame de Pandelon continuait de trouver fort à son goût sa jeune lectrice et de lui confier ses anxiétés maternelles. Un après-midi, elle lui apprit que, depuis plusieurs jours, Wenaël refusait de la recevoir. Son secrétaire et son valet de chambre, seuls, pénétraient près de lui, dans cet appartement situé sur la façade ouest du manoir, à pic au-dessus de la mer, où le jeune châtelain habitait toujours, durant les séjours à Guerlac. Madame de Pandelon expliquait. « Il en a fait quelque chose de superbe, mais, au jour de tempête, vous n'imaginez pas ce que c'est. Les lames déferlent jusqu'à la terrasse de granit qui longe son appartement et s'acharne furieusement contre le roc des assises, troué de grottes. C'est un tumulte infernal. Mon fils plaisait à ce spectacle terrifiant. Mais maintenant, j'aurais voulu, puisqu'il persiste à demeurer dans ce maussade de Guerlac, lui voir choisir un autre appartement. Celui-là est isolé et même au jour calme, la situation en est sauvage, peu propice à impressionner favorablement un esprit sombre, révolté, comme l'est devenu celui de mon pauvre Wenaël. Ah, que je suis inquiète, mon enfant, que je suis inquiète. Jamais il n'acceptera de souffrir longtemps. Et alors, alors ? » Le frisson qui secouait les épaules de la mère gagnait aussitôt Annonciade. En regagnant le logis paternel, la jeune fille s'arrêtait à l'église et priait pour Wenaël avec une ferveur douloureuse. Elle demandait à Dieu que l'homme élevé dans l'égoïsme et dans le culte de la jouissance ne sombrât pas dans l'irrémédiable lâcheté, qu'il connût enfin celui qui est la force, la vie, la vérité. Pendant que Run servait le thé, un après-midi, un chien se glissa dans le salon par une porte laissée entr'ouverte. Annonciade reconnut le lévrier de M. de Pandelon. Il vint aussitôt à elle, joyeux, tendant son museau pour recevoir une caresse. Madame de Pandelon s'exclama. « Cette joue, que viens-tu faire ici ? Mais c'est vrai, il vous connaît, mademoiselle. Mon fils, qui ne se sépare jamais de lui, l'avait certainement emmené à Cannes. » « Oui, madame, cette joue qui était à la Bastide avec son maître. » Les doigts tremblants d'Annonciade caressaient le soyeux poil gris. La vue de ce chien ranimait tant de souvenirs. Cette joue accompagnait toujours M. de Pandelon dans ses promenades au dehors, dans ses flâneries à travers le jardin. Il était là, étendu au soleil près des rosiers grimpants, quand une pauvre enfant candide avait laissé voir à l'étranger son amour un peu effrayé. Il était là, glissant sa forme souple entre les arbustes, dans la pâle clarté de la lune, tandis que Wenaël, sur la terrasse, se penchait vers la jeune fille toute frissonnante et disait avec une ardeur impérieuse « Je vous aime, ma belle petite Annonciade, je ne vous laisserai pas m'échapper. » Au seuil de la porte poussée par Seljouk, une silhouette masculine apparut. C'était Henri, le valet de chambre du marquis. Depuis qu'elle venait à Guerlac, Annonciade ne l'avait pas aperçue. Elle rencontra son regard impassible, où jamais, semblait-il, ne devait passer un reflet d'émotion. Madame de Pandelon demanda « Vous venez chercher cette joue, Henri ?»« Oui, madame, je l'ai vu se diriger par ici, et j'ai bien pensé qu'il avait senti la présence de Mademoiselle Le Hennec. » « En effet, il est venu renouer connaissance avec moi, ce bon Seljouk. » Annonciade rougissait en parlant. Ce serviteur dévoué, qui ne quittait jamais son maître, n'avait pas été sans avoir connu, ou tout au moins deviné, le caprice du grand seigneur dilettante pour la petite fille de ses hôtes. Cette idée la pénétrait de gêne sous le regard d'Henri. Pourvu encore que cet homme n'en fît pas l'objet de racontards d'office, qui, ensuite, serait colporté d'embrahé. Henri sortit, emmenant Seljouk. Peu après, Madame de Pandelon, souffrant d'un fort mal de tête, quitta le salon pour remonter dans son appartement. Annonciade voulait se retirer. Mais Rane demanda « Restez encore un peu avec moi, nous irons au jardin, je veux vous montrer nos roses. » Elles sortirent toutes deux dans le jardin à la française, admirablement entretenu par un jardinier artiste. L'ombre s'étendait devant la façade d'entrée du manoir. Mais en contournant celui-ci, les jeunes filles se trouvèrent dans la pleine lumière, un peu pâlies, car le soleil s'inclinait déjà sur la mer. Tout le terrain longeant de ce côté la vieille demeure avait été transformé en roseraie, entretenu à grands frais, car les bourrasques de mer avaient vite fait de mettre à mal les espèces rares. Cependant, cette plantation, fantaisie de grands seigneurs, se trouvait quelque peu protégée par les vieux murs très hauts qui limitaient le jardin du manoir en le défendant contre les lames furieuses les jours de tempête. Elle n'avait pas encore atteint sa complète beauté. Mais déjà, on pouvait pressentir ce qu'elle serait en pleine floraison, quand toutes ces roses couvriraient les portiques légers, les berceaux, les murs, le petit kiosque oriental et jusqu'au tronc des grands pins qui s'élevaient solitaires, ici et là, en étendant autour d'eux une ombre courte. À l'extrémité de la roseraie, l'espace entre le mur d'enceinte et le manoir se resserrait. Une arche de granit, massive comme le reste de l'habitation, à demi cachée par de longs feuillages retombants, ouvrait une large baie en plein cintre sur un petit enclos silencieux, éblouissant de soleil. Rane s'arrêta en disant à mi-voix « Il ne faut pas aller plus loin, ceci est le jardin que s'est réservé mon frère, dont l'appartement a une sortie de ce côté. Nous n'y entrons jamais sans qu'il nous y invite, ce qui ne se produit plus maintenant. » Annonciade eut un instinctif mouvement de recul et dit avec une sorte de hâte « Oui, retournons, mademoiselle !» Cependant, elle jeta un long regard vers l'enclos tranquille et mystérieux avant de suivre Rane qui revenait sur ses pas. Elle s'assirent sous un berceau garni de roses en boutons. Mademoiselle de Pandelon parlait de la Bretagne, de son passé, de ses coutumes. Annonciade l'écoutait, essayant de concentrer sur elle son intérêt. Mais toujours revenait à sa pensée la vision de ce jardin fermé dont les parfums, la lumière, étaient réservés à Wenaël de Pandelon. Rane s'interrompit tout à coup en prêtant l'oreille. Le sable de l'allée grinçait. Mademoiselle de Pandelon murmura, l'air inquiet et contrarié. « Pourvu que... » Elle se leva et s'avança vers l'entrée du berceau. Annonciade, intriguée, l'imita. Alors, dans l'allée devant elle, la seule par où l'on put sortir de l'abri fleuri, elle vit s'avancer dans la clarté légère du soir la haute silhouette du marquis de Pandelon. Il venait lentement, le front penché. Seldjouk, ombre fidèle, le suivait. Mais, en reconnaissant les jeunes filles, le chien s'élança vers elle. Monsieur de Pandelon leva la tête et sa voix si bien timbrée, cette voix inoubliable, demanda « Qui donc est là? C'est toi, Rane, je pense ?» Annonciade s'appuyait au bois léger du berceau en tressaillant d'angoisse. Rane, s'avançant de quelques pas, répondit paisiblement « Oui, c'est moi, avec mademoiselle Annonciade Le Hennec. » Wenaël répéta « Mademoiselle Annonciade ?» Il s'arrêta pendant quelques secondes, puis continua d'avancer jusqu'à ce qu'il fût tout près des jeunes filles. Il regardait Annonciade, et elle voyait ses yeux qui n'avaient plus leur vivant éclat d'autrefois, mais qui étaient beaux encore, tragiquement beaux, dans la pâleur mate de ce visage amaigri sur lequel la souffrance s'inscrivait en stigmate profond. Wenaël dit avec calme « Je vous vois encore un peu, mademoiselle. » Elle fit un effort pour dominer l'émotion qui l'étreignait. « J'ai appris avec beaucoup de peine l'accident dont vous avez été victime, monsieur, mais je suis persuadée que la guérison viendra peu à peu. » Les lèvres dont la pourpre vive avait pâli s'entr'ouvrirent dans un sourire d'ironie amère. « Je vous remercie de me le dire, mais je crois qu'il n'y a pas de guérison possible. » Rane fit observer « Les médecins ne t'ont pas dit cela. » « Naturellement, mais moi, je sens bien la nuit qui vient, la nuit complète. À certains moments, déjà, elle est là, elle s'étend devant mes yeux, en plein jour, sans doute pour me donner un avant-goût de la vie qui m'attend, quand l'obscurité se sera faite à jamais pour moi. » Il parlait d'une voix brève, à travers laquelle passaient de sourdes intonations de souffrance. Les paupières mates s'abaissèrent, frémissantes, sur le regard voilé. Il les releva en demandant « Et vous, mademoiselle, que dites-vous de ce pays ? Notre côte sauvage ne vous semble-t-elle pas bien austère ?»« Magnifiquement austère et si prenante. J'avoue que mon admiration n'est pas encore lassée. » »« En ce cas, elle durera. D'ailleurs, vous êtes d'une nature à comprendre toujours la beauté, de quelque façon qu'elle se manifeste. Mais me trompais-je en pensant que vous devez avoir, néanmoins, la nostalgie de votre Provence ?»« Oui, oui, c'est mon pays où j'ai toujours vécu. Puis, j'étais avec eux. » La voix d'Annonciade s'étouffa un peu à ces derniers mots. Wenaël dit avec une intonation adoucie « J'ai pensé à votre chagrin en apprenant ces deux malheurs si rapprochés. Vous vous aimiez beaucoup, tous trois. » Run les considérait silencieusement. La même lumière qui éclairait le charmant visage d'Annonciade et celui de Wenaël, si virilement beau, se répandait sur cette physionomie disgraciée, pensive et grave. Au dernier mot de son frère, mademoiselle de Pandelon dit tranquillement, sans amertume apparente, « C'est très bon de s'aimer en famille. Cela fait supporter bien des choses. » Il ne releva pas ses paroles. Son regard demeurait fixé sur Annonciade. Il demanda distraitement des nouvelles de M. et Mme Le Hennec. Puis il dit, avec une sorte de sourire contraint, « Je vous ai dérangé, mesdemoiselles, mais reprenez votre entretien, je me retire. » « Non, j'allais partir, monsieur. Il est grand temps maintenant. » « Mademoiselle de Pandelon m'a très aimablement retenue et je me suis attardée. Nous allons vous accompagner jusqu'à la grille en ce cas. » Elle murmura, « Il ne faut pas vous déranger, je vous en prie. » Il ne parut pas l'entendre. Dans les trois allées, il se mit à marcher près d'elle. Run les suivait. Hors de la roseraie, Wenaël s'arrêta en demandant, « Comment trouvez-vous Guerlac ?» Très intéressant dans sa rudesse, dans sa beauté un peu farouche. Le regard d'Annonciade s'attachait complaisamment à la vieille demeure, enveloppée des clartés adoucies du couchant, tandis qu'elle ajoutait « J'aimerais beaucoup connaître son histoire. Je m'imagine qu'il a dû se passer des événements tragiques entre ses murs. » « Vous ne vous trompez pas, mais ma sœur ne vous a-t-elle pas renseigné à ce sujet ?» Run répliqua de son habituel accent paisible « Tu gardes les archives dans ta bibliothèque, Wenaël. Je suis ainsi peu au courant de l'histoire lointaine de nos aïeux. Eh bien, je te les communiquerai de telle sorte que tu puisses contenter le désir de mademoiselle Le Hennec. Préparez-vous à frissonner, mademoiselle, car certains pendelons du temps jadis étaient de terribles hommes pour qui la vie d'autrui ne comptait guère. » L'un d'eux, ainsi que devait le faire plus tard le sire de Ray, célébrait des messes noires dans les souterrains qui communiquent avec les grottes. Il n'échappa au bûcher qu'en s'enfuyant par mer et alla mourir misérablement en Angleterre. Run pourra vous montrer l'autel de granit avec ses rigoles pour l'écoulement du sang sur lequel étaient immolés des enfants selon les rites de ces mystères sataniques. « Mais c'est épouvantable! Je ne me figurais pas que Guerlac eût caché de telles abominations !» Run fit observer. « Notre vieux manoir a eu aussi des exemples de haute vertu. Je vous en ai fait connaître quelques-uns et j'avoue en parler plus volontiers que de toutes ces horreurs. » Un pli de raillerie souleva la lèvre de Wenaël tandis qu'il répliquait « Les horreurs ont leur intérêt, leur beauté particulière. Satan est beau, tragiquement beau. » Run dit, avec une vivacité mêlée d'indignation, « Le mal ne peut l'être, sauf pour les consciences déformées. Or, je ne veux pas te faire l'injure de te ranger parmi celles-là. » « Crois-tu, qui peut dire si, vivant au temps de mon aïeul Wenaël le Rouge, je n'aurais pas pris plaisir comme lui aux holocaustes sanglants et pratiqué le sombre culte de Lucifer ? Qui peut dire ce que je suis, au fond, ou ce que je puis être ? La froide ironie de son accent fit tressaillir Annonciade. En détournant un peu son regard, la jeune fille murmura « Oh, ne dites pas cela ! Ne dites pas cela !» Il eut un rire sourd, presque mauvais, qu'elle ne lui avait jamais entendu autrefois. Une parole de sarcasme semblait prête à franchir ses lèvres. Il la retint et continua de marcher près des jeunes filles jusqu'à la grille. Tous trois restaient silencieux. Au bas du perron, Wenaël s'arrêta. « Nous vous laissons maintenant, mademoiselle. Veuillez présenter mes hommages à Madame Le Hennec et mon souvenir à monsieur votre père. J'espère que votre nostalgie s'atténuera peu à peu, que vous aimerez notre côte bretonne avec la grande passion qu'elle s'est inspirée souvent et que l'hospitalité de Gerlac vous sera toujours bonne. » Il s'inclina, tandis que la jeune fille remerciait d'une voix dont elle ne pouvait maîtriser complètement l'émotion. Run lui serra la main et s'éloigna avec son frère pendant qu'Annonciade franchissait la grille. À travers la lande, elle s'en alla, l'esprit absorbé, oubliant l'heure, le lieu, le but. Ainsi, elle l'avait revu, celui qu'elle essayait vainement d'oublier. À l'émoi qui l'étreignait devant lui, au battement plus précipité de son cœur, elle comprenait combien il était vivant encore, l'amour que l'étranger avait fait jaillir de ce cœur innocent, telle une source claire ignorée encore, pour s'amuser, aurait dit Monsieur Labarède. Quelle pénible épreuve de se retrouver en sa présence. Lui n'en avait paru aucunement gêné. Sa fantaisie pour la jeune fille de la Bastide était probablement oubliée, reléguée parmi les vieux souvenirs dédaignés, et à le voir si parfaitement maître de lui devant elle, personne n'aurait pu imaginer qu'il lui avait un jour adressé des paroles si ardentes. Une brûlante rougeur monta aux joues d'Annonciade. Oh, elle ne voulait plus penser à cela. Elle ne voulait plus se représenter le Wenaël d'autrefois, triomphant de vie orgueilleuse, impérieux séducteur. Celui d'aujourd'hui était autre. Il portait maintenant le signe sacré de la souffrance et Annonciade, pénétrée de douloureuse compassion, achevait de pardonner ce qu'elle avait souffert par lui. En regardant autour d'elle, dans la lumière du couchant qui voilait d'or pâli la sombre verdure des pins et le tendre bleu lointain de la mer et du ciel, elle pensait avec angoisse « Bientôt, peut-être, il ne verra plus tout cela. Lui, lui qui aimait tant les spectacles de la nature. Ce serait la nuit complète, oh mon Dieu !» À l'approche du bourg, elle rencontra Madame Le Hennec qui rentrait aussi. En lui parlant de son après-midi, Annonciade raconta brièvement comment elle avait vu aujourd'hui M. de Pandelon. Madame Le Hennec fit observer « Cela n'a pas dû lui faire plaisir, car il est devenu terriblement misanthrope. Quel changement ! Il est certain qu'avec une nature comme celle-là, il y a de quoi devenir enragé. Un si beau garçon ! Et cette fortune, ce nom ! Enfin, avec tout cela, il pourra se marier quand même et choisir entre beaucoup. » Annonciade restait silencieuse, oppressée par l'émotion pénible qu'éveillaient en elle les paroles de sa belle-mère. Toutes deux avançaient vers le logis. Du coin de l'œil, Madame Le Hennec regardait le charmant profil de la jeune fille. Puis elle dit tout à coup « Voyons, Annonciade, si Monsieur de Pandelon est resté chez vos parents plus de 3 mois, je m'étonnerais fort qu'il ne vous eût pas trouvé à son goût et ne se fût pas octroyé la permission de vous le dire. » Annonciade rougit violemment, sans répondre, sans regarder Madame Le Hennec. Celle-ci eut un sourire entendu. Il n'en pouvait être autrement. Monsieur de Pandelon, tel qu'on le connaît, n'aurait pas laissé passer une si belle occasion d'exercer son pouvoir de charmeur. Mais je ne doute pas, d'ailleurs, que vous n'ayez su lui répondre comme il convenait. Annonciade eut un fier mouvement de tête en ripostant. N'en doutez pas, en effet. Très bien, très bien. Il a dû trouver cela étrange, car il paraît qu'on ne lui résiste guère. Et vous l'aimiez, cependant ? Le beau visage frémit. D'une voix un peu oppressée, Annonciade répondit, toujours sans regarder sa belle-mère, dont elle sentait sur elle les yeux investigateurs. « Je vous en prie, ma mère, ne me faites pas revenir sur ce passé qui fut pénible pour moi et que je souhaite d'oublier. » Madame Le Hennec n'insista pas et continua d'avancer, en silence, le front plissé par une réflexion qui l'absorbait à un tel point qu'elle croisa le recteur sans répondre à son salut et, rentrée chez elle, oublia de tancer la servante pour une négligence qui aurait été sèchement relevée un autre jour.